prends ton fils, ton unique, ton aimé. La parole tombe comme un feu. Abraham se lève dans le silence. Le couteau tremble entre la foi et l'adieu. Isaac porte le poids du sacrifice. La question monte sur le chemin. Où est l'agneau, mon père? Et le ciel retient son refrain. Tu pourras.